Marois n'est pas raciste. Mais Marois est devenu l'idole des racistes. Ce qui est troublant là, dans cette vidéo-là... Il y a un problème. Ouais, ce qui est troublant dans cette vidéo-là, tu sais, on se posait la question, l'émission dont on a fait jouer des extraits, « What would you do aux États-Unis » où est-ce que c'est des acteurs? T'as un commis de dépanneur qui est clairement musulman, puis t'as un gars avec son chandail « God bless America » puis qui commence à l'invectiver. Même principe que l'autobus. Personne réagit dans l'autobus. Non. Les gens regardent dehors, les gens sont sur leur iPod, les gens discutent entre eux. À un moment donné, là, vers la fin, il y a même des jeunes, des écoliers, ben je dirais pas des écoliers, mais mettons d'âge secondaire, qui entrent dans l'autobus. Puis ça continue. Il se passe aux rien. États-Unis, lorsque quelqu'un fait preuve de racisme et d'intolérance envers un musulman, là, comme il dépanne, ouais. Tu le dis, les gens sont intervenus. Presque unanimement, ils ont défendu le musulman qui faisait juste gagner sa croûte en travaillant derrière la caisse d'un dépanneur. Il y a même un soldat qui a fait une défense énergique qui est maintenant rendu un héros partout. Mm. Malheureusement, dans l'autobus, il semble qu'il n'y a personne qui s'en est mêlé. Non. Et le gars a pu continuer. Oui. On a des raisons d'être en colère envers les musulmans. Certains musulmans. Comprenez-moi bien, là. Les musulmans intolérants, ceux qui font des discours là, vraiment anti-femmes puis anti-ci à Montréal, les radicaux, là, il faut être en colère contre ça. Faut pas se gêner de le dire à ces gens-là, partez chez vous. Aux radicaux et aux islamistes qui ont un agenda. Que ça soit juif, musulman ou n'importe quelle religion, quand ça demande un accommodement déraisonnable, faut avoir des couilles ostentatoires. C'est ça que ça prend pour lui dire « no way ». Là, tu viens d'imposer tes règles, ça marche pas de même. Mais une fille avec son foulard dans l'autobus, c'est-tu pire que l'autre avec sa calotte, ses tatous pis ses piercings? Mm. Ou l'autre avec sa tuque? L'hiver s'en vient, vous allez avoir des tuques sur la tête, là. C'est quoi, là? Ça dérange pas, les signes. Mais Marois est rendu l'idole des racistes. C'est contre sa volonté, je le précise, mais elle doit en être consciente, là. Est en train d'exciter tout ce monde-là qui met tout dans le même paquet. Moi, le musulman qui vient ici, qui travaille, qui se lève le matin, garde, bienvenue chez nous. Je commencerai pas, je me sens pas mal par rapport à lui. S'il fait de quoi de croche, je me gênerai pas de le critiquer, contrairement à certains qui ont tout le temps peur de passer pour raciste. Il y en a qui viennent ici, qui foutent la merde, le bordel, faut leur dire. Mais les autres, là, la très grande majorité de nos amis juifs, musulmans ou sikhs, on s'en foutu un peu de leur apparence. En autant que ça soit pas la burqa, le voile intégral, là encore, on est capable de faire preuve de jugement. Mais Marois excite les racistes. Boîte vocale. Ah, gars, là, les immigrés, ils se veulent pas faire comme on fait ici au Québec. Ben, qu'est-ce que c'est que, là, qui arrête de prendre le port un matin, là, tu fais chier, là, c'est tout le temps sur le contrat des autres, si. Faut au village des valeurs, si, de calice, engage rien que des immigrés tabarnak, si. Les jeunes travaillent pas au Québec parce qu'ils engagent des immigrés subventionnés, si. Ma fille est pas capable de rentrer là, calice, pour une première job, si. Ils sont même pas capables de la prendre 2 jours par semaine. Elle se présente bien à de l'éducation, calice. Elle est pas capable de rentrer nulle part, si, boire. Les femmes avec le turban sans tête, y en a plein qui se réveillent. Oui, si boire. Est-ce qu'ils nous regardent comme si on était des putes, si? Qu'est-ce qui s'en est, calice? Ça va nous faire de l'ouvrage pour nous autres, sacrement de calice. Ils ont des subventions, ils ont des logements subventionnés, ils ont tout. Nous autres, on est dans la merde à cause d'eux autres, est-ce qu'ils réveillent toi? Qui pas de calice? On est même plus chez nous, est-ce qu'ils sont en train de se craper à la ville, est-ce qu'ils partout ce qui passe, est-ce qu'ils sont en génie de calice? On est probable de se laver plus en plus avec le couvert sur la tête puis partout sur le corps. Oh my God. On est dans la merde à cause d'eux autres. On n'est pas capable d'avoir d'emploi à cause d'eux autres. Voyons donc. D'abord, elle parle de l'éducation de sa fille. Elle a sûrement dû recevoir une très bonne éducation, Chris Acalis. Elle, là... Oh, ça me dépasse, ça. Elle, là, elle vote Pauline Marois puis Bernard Drainville le matin. Puis là, je veux faire bien attention à mes propos. Là, Drainville puis Marois là, sont à des années-lumière de ça. C'est pas des racistes. Ils ont une idée niaiseuse. Ils sont pas capables de renoncer pour essayer de donner le pouvoir absolu à Pauline Marois. Et je leur en veux pour ça. Mais Marois puis Drainville ont rien à voir avec ces propos-là. Mais je sais pas s'ils savent que elle les aime. Puis elle va voter, là. On est rendu là, dans l'intolérance, la généralisation. Là, c'est tout des, puis ils prennent toutes nos places, puis non. C'est vrai que Québec est à l'envers, hein? Hey, dit, la ville est à, Québec est sans dessus-dessous. La ville de Québec est à feu et à sang. L'enfer. Ça fait 8 ans que je suis ici, j'ai pas encore vu un seul turban. Je me souviens pas d'avoir vu une kippa. J'ai peut-être vu 5 foulards. J'ai vu de la burqa, ça m'a dérangé, je l'ai dénoncé. Mais le reste, on est rendu là. Je trouve ça triste. Est-ce que le PQ est fier à matin? Êtes-vous fier? De voir ce qui se passe là, dans la rue, partout, faut pas l'exagérer non plus. Mais on a 3-4 exemples, là. Centre Laurier, autobus à Montréal, ma boîte vocale, je ne les ai pas toutes passées. Je le fais, je le passe parce qu'il faut en être conscient. Le PQ doit voir les dégâts qu'il cause. Il y avait quelques petits gestes racistes ici et là. Mais le reste, il n'y en avait pas de problème majeur. On est rendu là-dedans. Ça généralise. Ils nous regardent tous comme des putes. Il y en a eu des musulmanes qui ont traité les Québécoises de putes. J'ai été le premier à le dénoncer. C'était limité. C'était des radicaux à Montréal. Je me suis pas gêné. Je l'ai dit. D'ailleurs, à l'époque, je me souviens pas que le PQ a réagi. Je me souviens pas que le PQ a tant réagi. Je l'ai fait, mais on est dénoncé des accommodements déraisonnables. Le PQ disait pas un mot. Il arrive avec le chat, en Wego, qui va bien trop loin. À des fins électoralistes et opportunistes. On est pas nié que ça.